Les cèdres. La nature impressionne diversement chaque caractère. Bolnay, philosophe positif, parle en plaisantant des cèdres. Monsieur de la Roque et les voyageurs du XVIIe siècle s'exaltent et prodiguent les exclamations. D'autres entonnent le cantique des cantiques. Monsieur Wood ramassa une douzaine de pommes de cèdre et grava sur l'un d'eux nos initiales. Pour moi, ma première impression fut un sentiment de respect pour ces patriarches du monde végétal, contemporains sans doute du roi Salomon, géants qui semblent narguer le temps et la cognée. J'étais, devant des arbres, des êtres inanimés, interdits, comme en présence d'un personnage auguste. Je me trouvais mesquin, déplacé avec mon panama de 30 francs et mon paletot parisien. Je sentais que je faisais disparate dans le tableau, et je demandais en moi-même pardon à la nature de nuire ainsi par ma présence à l'effet d'un si beau paysage. Un des moines maronites chargés de la garde des cèdres nous en fit les honneurs avec toute la conscience possible, et grâce à la lettre de recommandation de M. B. de Tripoli, j'eus l'insigne honneur de pouvoir emporter un de ces coffrets confectionnés par les religieux eux-mêmes avec le bois des cèdres que le temps et les vents du nord-ouest ont abattu. Je n'appris qu'à mon retour tout ce que mon acquisition avait de précieux, car il paraît qu'il n'est pas de ces coffrets comme des cannes de Voltaire qu'on vend en Ferney, et qu'ils sont bien réellement confectionnés avec le bois des cèdres de l'Herzé. Pendant la belle saison, les environs des cèdres se peuplent, dit-on, d'une foule de fidèles. Au pied des arbres, on dresse des autels sur lesquels les moines viennent dire la messe. Les cèdres ont leurs dévots, comme le temple de Jérusalem a les siens. De tous côtés, on accourt en pèlerinage à l'Herzé. Autrefois, les maronites avaient coutume de s'y rassembler le jour de la transfiguration, mais le patriarche a supprimé cette cérémonie à cause des querelles qu'elle occasionnait. Maintenant, les habitants des villages voisins s'y rendent tour à tour, leurs prêtres en tête, puis l'office achevé, ils tirent des coups de fusil en signe de réjouissance, boivent, chantent et dansent au son de la musique. Enfin, ils ramassent quelques branches de cèdre pour en orner le devant de leur maison. Les cèdres s'élèvent de 60 à 100 pieds de hauteur. M. Wood a mesuré le plus gros, qui n'a pas moins de 13 pieds de diamètre et couvre une circonférence d'environ 120 pieds. « Un peuple florissant se propagera, dit l'Écriture, comme un cèdre du Liban. » Les branches toujours vertes, même lorsqu'elles sont couvertes de neige, ce qui a lieu une grande partie de l'année, sont plates, touffues et horizontales. Quand elles sont balancées par le vent, on croit voir des nuages épais chassés par son souffle. On a longtemps classé le cèdre dans le groupe des mélèzes, mais aujourd'hui cet arbre constitue un genre à part. Du tronc poussent des branches, dont les ramifications sont les unes presque perpendiculaires, les autres étendues et horizontales. Les feuilles sont courtes, subbutées, épars sur les jeunes rameaux, ordinairement redressés, solitaires et persistantes. Les fruits, comme ceux du pin, sont plus ronds, plus compacts et plus lisses. Il est à remarquer que ces arbres ne croissent dans le Liban qu'à El Herzé, et dans un autre endroit appelé Radel, où ils sont loin d'avoir acquis le même développement. Nous suivîmes le vol de quelques aigles qui n'habitent guère que les sommets les plus élevés, d'où nous pûmes contempler d'un côté la mer et Chypre, de l'autre la vallée de Baalbek terminée par les monts Ankar. À nos yeux, c'était là la terre promise, où toutefois, pour un temps du moins, il nous était interdit de pénétrer. Nous regardâmes longtemps cette belle vallée, où gisent dans leur sommeil éternel les restes de la ville du soleil, et nous reprîmes en silence le chemin de Bécharaï. Deux jours après, nous étions de retour à Tripoli. Ces souvenirs d'un voyage paisible datent déjà d'une année. Depuis, d'horribles crimes ont ensanglanté une grande partie du beau pays que nous avions parcouru au milieu de tant de sérénité. Nous aurions dû les pressentir. Cependant, lorsqu'il y a 3 ans, nous entendions à Constantinople les oulémans prêcher la haine et le meurtre des chrétiens. Et cela, en pleine capitale de l'Empire ottoman, au moment où, grâce à nos armes, la Turquie venait de reconquérir sa nationalité compromise. Ce fanatisme a germé dans les âmes et a violemment séparé deux peuples dont les mœurs, les intérêts sont les mêmes et qui étaient faits pour se soutenir mutuellement et pour s'aimer. Les Druzes, qui se glorifient autrefois de descendre des croisés, oubliant cette chevaleresque origine, en sont venus à s'allier contre les maronites aux hordes de brigands qui s'appellent mutualistes, kurdes et bédouins. Quel changement dans les lieux que nous venons de décrire. Les lettres de nos hôtes de Beyrouth et de Tripoli nous ont émus jusqu'aux larmes. Des gens de grande famille, de célèbres négociants, des hommes opulents autrefois, n'ont plus d'autres moyens d'existence que l'aumône. Les Druzes osent avouer que le nombre des chrétiens qu'ils ont massacrés dans les montagnes du Liban s'élève à 22 000. À l'est de Beyrouth, sur une superficie de 3 jours de marche en longueur et de 2 jours en largeur, territoire où les chrétiens étaient très nombreux et fort prospères, il n'y a plus un village chrétien, ni même une maison. Les mûriers et les arbres fruitiers ont été coupés dans un grand nombre de propriétés chrétiennes. Combien d'années de paix et de travail ne faudra-t-il point pour réparer tant de maux? Mais surtout, que ne peut-on pas redouter pour l'avenir des méfiances et des ressentiments qui vont se transmettre de génération en génération? Si furieuses que soient les tempêtes de la nature, quelques mois suffisent le plus ordinairement pour en faire oublier les désastres. Les abîmes que creuse le fanatisme religieux ne se comblent qu'avec les siècles. Ainsi s'achève « Souvenir d'un voyage au Liban en 1859 » par Édouard Auguste Spohl.